Marge, la télé, ça donne beaucoup et ça demande rien, c'est la meilleure amie des gamins. Ils ont peur des différences, ça se passe ainsi en France.